Retour à Futur Simple au 89, sur CKRL au 89.1. C'est François Grégoire qui vous parle. Nous allons poursuivre notre émission avec notre nouvelle recrue qui est venue il y a 3 semaines nous parler d'archéologie, de son histoire et pour nous expliquer en fait en quoi consiste cette science. Ce soir, elle revient nous parler des fouilles archéologiques effectuées au Québec. Alors, je reçois Marie-Claude Dionne. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour, François. Alors, Marie-Claude, qu'en est-il de l'archéologie au Québec? Alors, l'archéologie au Québec n'a peut-être pas le même prestige que celle qu'on retrouve en France ou en Égypte, mais il en reste qu'elle possède tout de même une grande valeur scientifique. Un peu pour se défaire des pratiques d'antan où la valeur monétaire prenait le dessus sur l'histoire et la technicité des objets, les archéologues, mais aussi aidés par les musées, tentent tant bien que mal d'instaurer l'importance de la valeur scientifique des objets archéologiques. Et les objets archéologiques, ou les vestiges matériels, rappelons-nous, constituent la principale source documentaire de l'archéologue. Oui, cette science, en fait, repose sur leur existence. Mais combien de sites archéologiques retrouvons-nous au Québec actuellement? On a découvert à peu près 8000 sites archéologiques dans la province du Québec. Et on peut avancer l'idée qu'il y en a à peu près autant à découvrir. On retrouve 2 types d'archéologie. Il y a celle dite préhistorique qui s'intéresse aux peuples autochtones, aux Inuits et aux Amérindiens, et celle dite historique qui étudie les questions relatives à la Nouvelle-France, aux nouveaux arrivants et se concentre sur la période débutant au 16e siècle. En fait, ça correspond à la période plus ou moins, qui correspond plus ou moins à l'arrivée des Européens en Amérique, ça? Exact. Et comment explique-t-on qu'il y ait autant de sites archéologiques au Québec? En fait, l'emplacement géographique du Québec a fait qu'il a été souvent au premier plan lorsque les premiers voyageurs sont arrivés. Les premiers voyageurs européens cherchant un nouveau chemin pour l'Inde ont atterri sans le savoir sur le continent américain. L'embouchure du fleuve du Saint-Laurent semblait être la porte d'entrée pour l'Asie. Mais en fait, si je veux être plus minutieuse, je devrais parler avant de la présence viking, qui remonte à plusieurs siècles avant celle européenne. Uh-huh. Ils ne sont pas rendus dans notre province à proprement dit, mais leur passage est tout de même intéressant et surprenant. C'est la faune marine, un grand esprit d'aventure et un besoin de bois qui ont attiré les vikings à Terre-Neuve, plus exactement à Lons-aux-Meadows vers l'an 1000. Les vikings y ont resté un peu, pas trop longtemps, et ils ont toutefois eu le temps de s'installer confortablement avec des habitations et des ateliers. On va retrouver, après quelques siècles, les Vikings, on va retrouver des sites qu'on appelle les sites archéologiques euro-québécois. Ce sont les sites des premiers établissements européens au Québec. Les vestiges qu'ils contiennent sont souvent faits de matériaux résistants comme la pierre, la brique et le métal qui se conservent mieux que ceux des sites amérindiens. C'est pas d'ailleurs la raison pour laquelle on retrouve beaucoup de sites historiques? Exactement. En fait, un exemple d'un tel site, c'est, on peut penser à Cartier-Robertval. Ah. C'est la première tentative de la colonisation française à Cap-Rouge. On la retrouve dans la région de Québec. Mais avec la colonisation qui va battre son plein, on va retrouver un peu plus de postes de traite. C'est pour le commerce de la fourrure. On va en trouver à Tadoussac, à Trois-Rivières et à Chicoutimi. Cette activité commerciale a trouvé une terre fertile pour prendre racine puisque les peuples de l'Amérique précolombienne, donc d'avant Christophe Colomb, disposaient déjà des réseaux d'échange tant pour les biens que pour les transferts de connaissances. Ce commerce introduira des modifications dans la culture matérielle amérindienne traditionnelle. En exemple, les pots en céramique sont disparus à la faveur des chaudrons en cuivre et des couteaux de pierre ont été remplacés par des lames de fer. Qui étaient fabriquées et apportées par les Européens, bien entendu. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose à propos des armes à feu aussi? Oui, tout à fait. Et de tous les objets qui ont fait part au troc lors du commerce de la fourrure, c'est bien celui-là qui aura le plus de conséquences. Ah, OK. Il va changer les rapports sociaux entre les Amérindiens et aussi la manière dont on a fait la guerre entre les groupes amérindiens. Oui, c'est un fait, hein? Et là, après, on va retrouver les premières installations françaises à longue occupation. On les retrouve tout au long du fleuve Saint-Laurent. Il y a par exemple la première habitation de Samuel de Champlain à Québec, qui est construite en 1608. Elle fut construite en bois, donc elle n'a pas tenu le coup là, suite à plusieurs durs hivers. Il y en a une deuxième qui a été construite en 1624. On la trouve en dessous de Place Royale aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous y promenez, vous verrez en face de l'église Notre-Dame-des-Victoires des pierres de couleur plus foncée sur le sol. Elles marquent précisément l'emplacement de cette habitation. Et là, autour de cette habitation-là, on va trouver le premier noyau urbain de la basse ville. C'est là que les premières maisons vont se construire. OK. C'est drôle, hein, parce que je suis allé souvent là, mais je n'avais jamais remarqué ça. Je vais essayer de le remarquer la prochaine fois que je vais y aller. C'est à voir. Oui, oui, vraiment. Et est-ce que c'est le cas... Enfin, est-ce le cas aussi pour les villes de Montréal et de Trois-Rivières? Oui, c'est tout à fait ça. La fondation de Montréal remonte à 1642 et elle est suivie de la construction du fort Ville-Marie, d'où le nom, l'ancien nom Montréal, Ville-Marie. Effectivement. Le fort Ville-Marie, on le retrouve à l'emplacement de Pointe-à-Calière, dans le Vieux-Montréal. On y retrouve d'ailleurs les traces du premier cimetière catholique. À Trois-Rivières, le lieu de fondation n'a pas pu être localisé. Les écrits et les plans de l'époque inscrivent l'endroit près du Platon, mais les fouilles archéologiques qui se sont tenues n'ont pas trouvé de vestiges matériels. En fait, les vestiges qu'on a trouvés, ils datent de quelques siècles après la fondation. Mais les sites archéologiques à Trois-Rivières témoignent tout de même de la popularité de la ville dès ses débuts. On va retrouver beaucoup, beaucoup de sites. Puis on va aussi trouver une relative aisance financière des premiers habitants. Des objets de luxe ont été trouvés sur le site, comme une boucle à souliers en étain. On va apparaître par la suite une politique défensive. On va voir des forts se dresser à cause des menaces continuelles qui pèsent sur la colonie. On pense aux fortifications ici, de Québec, mais on peut aussi avoir en tête le très beau fort de Chambly sur la rivière Richelieu. Et après, dans les années 70, pour les archéologues, il va y avoir plusieurs recherches qui vont être entreprises et qui ont fait la lumière sur l'adaptation de l'architecture militaire européenne en Nouvelle-France, du mode de vie en milieu fortifié et de l'évolution de l'art militaire aussi. Et le régime français poursuit sa politique de peuplement systématique qui se caractérise par des concessions de seigneuries le long de la vallée du Saint-Laurent. Ces seigneuries prennent la forme de longs rectangles. Mm-hmm. L'Estrie, par exemple, se voit attribuer toute une autre forme. Si jamais vous l'aviez remarqué, la terre y est divisée en cantons, soit en carrés. Oui. D'où les cantons de l'Est, j'imagine. Exactement. Le nom découle de ce mouvement-là, et c'est parce que le peuplement dans cette région, il a été fait durant le régime anglais, et le lotissement se faisait dans ce temps-là en damier. Et les fouilles archéologiques vont révéler un milieu rural qui est très diversifié. On va voir des composés là, d'ensembles agricoles, de maisons, de moulins, mais aussi des villages où se concentrent les commerçants et les artisans, dont de nombreux potiers. D'ailleurs, l'archéologie permet aussi d'analyser la production de ces artisans, de connaître l'origine de leurs matières premières, leur diffusion, leur technique et la façon dont ils ont adapté au monde rural québécois des traditions européennes. Et du côté de la période industrielle qui suit, les archéologues ont surtout étudié les lieux de transformation des produits forestiers et miniers. Puis on peut penser à la pulperie à Chicoutimi qui a été construite en 1896. Et pour ce qui est des sites amérindiens, on en retrouve un peu partout dans la province. Et l'explication relative à la présence des premiers humains en Amérique est toujours un peu nébuleuse. Oui, j'imagine qu'il reste trop peu de vestiges pour en témoigner. Mais quelle est l'hypothèse la plus probable pour le peuplement en Amérique selon l'archéologie? La plus valable en ce moment est celle du détroit de Bering. Il y a une certaine époque, il y a très très longtemps en fait, on retrouvait le continent américain sous des glaciers, vraiment couvert entièrement de glace. Pendant la glaciation, par exemple, il y a eu un couloir qui s'est créé, qui a fait rejoindre la Sibérie à l'Alaska. Et on dit que les hommes l'ont traversé et se sont ensuite établis partout en Amérique entre 1600 et 13 000 avant aujourd'hui. Le Québec était lui aussi couvert d'un immense glacier. Et il faut attendre le retrait des glaces, soit vers 12 000 avant aujourd'hui, pour voir apparaître les premières installations des Amérindiens. Les glaces, puisqu'on en parle, en fait, contribuent-elles à la préservation des vestiges? Et lorsqu'elles fondent, en fait, ne dévoient-elles pas, en fait, tous les vestiges qu'elles avaient enfouis? C'est une excellente question. En fait, la réponse serait oui et non. Parce qu'en tant que telle, les glaces vont préserver vraiment super bien la matière organique. On peut penser aux momies. On en trouve souvent dans les glaciers alpins, soit en Amérique du Sud ou en Europe. Mais lorsque la glace fond, elle entraîne un mouvement avec l'écoulement des eaux. Okay. Et c'est là qu'on va perdre tous les vestiges archéologiques, puis on va même perdre le sol géologique aussi. En fait, il n'y a absolument rien ou très peu de choses qui vont pouvoir se préserver malheureusement. Et quand est-ce que les archéologues du Québec se sont intéressés à l'archéologie préhistorique? Ah ben ça, l'archéologie prend son véritable essor dans les années 60 et 70. Et c'est à cette époque qu'on commence à fouiller les sites préhistoriques. Et parce qu'avant ça, on considère plutôt les découvertes comme étant des découvertes fortuites. D'ailleurs, avec l'arrivée de Samuel de Champlain et de la construction de son comptoir commercial à Place Royale, les hommes ont creusé à travers un ancien campement amérindien. Il est fort probable qu'ils ne l'ont jamais su, par exemple. Il faut dire que on n'a jamais eu ici au Québec, mais même au Canada, de sites préhistoriques, sites amérindiens spectaculaires du type de grands temples, de tumuli ou des villes fortifiées qui auraient pu enfin intéresser les historiens ou les archéologues. En plus, quand l'archéologie a vu le jour au Québec au début des années du 20e siècle, c'était entièrement polarisé sur des sites historiques concernant le régime français, dans le but de contredire une très vieille idée que les Canadiens français n'avaient pas d'histoire. Mm-hmm. Et cette histoire, mais les archéologues continuent à l'écrire. Mais est-ce que les coupures du gouvernement fédéral vont mettre un terme au chapitre qui est en train de s'écrire? Ça se peut très bien, malheureusement. C'est une nouvelle réalité qu'on doit faire face. Avec laquelle on doit composer, hein? Oui, exact. Bon, alors écoute, c'est à se demander s'il y a une stratégie politique derrière tout ça. Alors, merci beaucoup, Marie-Claude Dionne. Merci, François. Alors, on va faire une courte pause musicale et on vous revient tout de suite après.